Guillermo Guise. Allez, courage. Ça va les amigos, ouais. Alors l'autre jour j'étais là, j'achetais un pichet et je me disais, Ernest, fils de Laure Manoudou et de la Marie Montante, tu es président de l'association franco-belge des amateurs de pichets en verre, faut que t'en parles à la radio, garde pas ça pour toi. Bah non. Et alors appelez ça coïncidence, figurez-vous, on est justement mercredi 5 juin et c'est la deuxième journée spéciale Le Plastique Non Merci à France Inter en collaboration avec Combini, Valeurs Actuelles, Paul Pogba et la voix française de Danny DeVito. Grosse initiative à laquelle je suis ravi de participer. J'étais d'ailleurs à la réunion de préparation de cette journée où Laurence Bloch, la patronne de France Inter, avait eu ces mots, moi c'est resté gravé. Elle avait dit, voilà, les déchets plastiques, on va pas se mentir, c'est qui? C'est les Arabes, c'est les Chinois, les Noirs, beaucoup les Juifs et surtout les homosexuels. Et là, le représentant de Combini a lancé un applaudissement et c'était un trop beau moment, quoi. J'étais là, waouh, si on pouvait toujours être aussi connectés les uns aux autres. Et je voyais la meuf de Valeurs Actuelles, elle était en larmes et tout. Et Laurence Bloch a fait, pour le slogan, j'avais pensé à Le Plastique, Non Merci. Tandis quoi, Ernest, office de Paul Le Poulpe. Et je dis, franchement, Laurence Bloch, ça vous embête pas si je prends pas de gants? J'adore. J'adore, ça dit tout. Le plastique, non merci. Si tu le prononces bien avec la bonne intonation, le plastique, non merci. Alors le message passe. Le message passe parce qu'on croit toujours que dans le public de France Inter, on a que des adultes, mais 72 ans, c'est une moyenne. Hein. Il y a des enfants aussi, sûrement. Hein. Alors dans l'élan, je me dis, bah tant qu'à faire, on pourrait même ajouter le plastique, non merci, mais les enfants, oui merci. Oui merci, les enfants. Et ils ont pas retenu mon idée. Mais Laurence Bloch, elle m'a dit, tu sais quoi, Ernesto, fils d'Ernesto Senior et de Dominique Voynet, tu sais ce qui manque à cette journée spéciale? Une bonne chronique bien drôle. Et alors, parce qu'aucun humoriste n'en a jamais parlé en France Inter du plastique, à part Tanguy Pastureau et Marina Rollman et Guillaume Meurice, Sophia Aram, Alex Vizorek, Nicole Ferroni, Tex, Thierry Leluron, le ménestrel d'Henri IV, les deux êtres unicellulaires avant quand c'était encore Lina. Et donc grosse pression pour moi, parce qu'il a quand même du talent, tu vois, Guillaume Meurice. Et je me rappelle très bien, j'avais dit ok Laurence Bloch, mais alors j'ai carte blanche, je vous préviens, je parle pichet. Elle m'a dit banco. Alors toi, il faut savoir un truc, c'est que moi je bois au moins 2 litres d'eau par jour. Si je fais pas ça avec l'hygiène de vie que j'ai, moi je ressemble dans 6 mois à Jean-Dormesson, clairement, tu vois. Parce que c'est grâce à l'eau que j'ai une tête de paroissien et que j'ai encore un peu mes chances avec Jean-Marc Moroni, tu vois. Sauf qu'avant, moi je buvais de l'eau en bouteille et sans penser pollution, parce que moi je viens d'une génération, tu vois, les 1965, on était mal informés. Pas vrai, Nagui, tu vois. Vous me disiez, ah mon humeur, ça pollue. Allez, vraiment, tu vois, on savait pas. Ah, oui. C'est vrai. Moi j'achetais une bouteille d'eau en plastique, comme ça je la buvais, puis je la jetais sur le trottoir. Je croyais bien faire, je me disais, avec tout ce plastique, autant faire plaisir à un oiseau, tu vois. Vraiment, on a tous vu Ushuaïa. Mais bon, progressivement, j'ai commencé à entendre les rumeurs et tout, comme quoi on avait retrouvé 1 kilo de plastique dans le ventre du commandant Cousteau. Et j'ai commencé à faire attention, parce que je réutilisais mes bouteilles d'eau, mais avec de l'eau du robinet. Et c'est pas une bonne idée, parce que dans une bouteille d'eau en plastique réutilisée, il y a 60 fois plus de bactéries que dans la gamelle d'un chien. Et c'est un animal qui a vite tendance à prendre ses couilles pour un calipo, quand même, tu vois. Donc, quand j'ai appris ça m'a donné envie de crever dans un casque à pointe. Franchement, je me suis dit, putain, c'est pour me taper autant de bactéries dans la gueule d'un clébard, autant lui faire la bise à Daniel Morin, tu vois. Tant qu'à faire, qu'on en finisse, quoi. Et là, et j'ai moi-même fini par changer mes habitudes de consommation en adoptant mon pichet, ma bataille, vraiment. Et ça demande une discipline, parce que c'est pratique une petite bouteille d'eau, tu vois. Parfois, t'es là, t'es quelqu'un de ta famille, tu dis, quoi, t'aimerais bien prendre de l'extasie? Tu dis, bah évidemment, mamie. Et là, on en parlait avec Leïla, elle me disait, bah tu sais, moi quand je suis sous tasse en soirée, j'ai besoin de ma petite bouteille d'eau pour m'hydrater. Je vais quand même pas danser sous du Solomon avec un pichet, hein. T'imagines toute l'eau sur mes souliers, hein. Pourtant, il faudra bien les tox comme les autres. Allez, bonne émission, Guillaume. Merci, Guillaume. La bande originale. Merci, Guillaume. Sur France Inter.